إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، تتوالى مواسم الخيرات محفوفة بفضل الزمان وبركة وشرف المكان، أفئدة المسلمين تهفو لبيت معمور يتجهون إليه في كل يوم في صلاتهم. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأنظارهم تتطلع لبقاع مباركة تتجدد فيها العبر والعظات. قال سبحانه: فيه آيات بينات، والأمن والأمان في ربوعه بأمان من الله. قال جل في علاه: ومن دخله كان آمنا. نفعه متعد للحاضر والباد، ليشهدوا منافع لهم. الأرزاق إليه دارة، والنعم حوله متوالية. قال جل وعلا: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. حج بيت الله الحرام باب رحب لحظ الأوزار والآثام، لحط الأوزار والآثام. يقول عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص عند إسلامه رضي الله عنه، قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. وفي الحج غسل أدران الخطايا والرزايا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وثوابه جنات النعيم. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Chers musulmans et musulmanes, ainsi est l'islam, et les musulmans vivent des moments bénis dans des endroits bénis. Et dans les jours qui viennent, les musulmans se dirigeront vers la maison antique, une maison vers laquelle ils se dirigent durant leur prière. Il dit, subhanahu wa ta'ala, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Un endroit dans lequel il y a des signes évidents de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bénédiction y est palpable et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala se succèdent les uns les autres. Il dit Azza wa Jal en parlant de la Mecque qu'il y a là-bas des signes évidents. Un endroit sécurisé, un endroit dans lequel il y a la quiétude. Et ceci est une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, et quiconque y entre est en sécurité. Le bien qui se trouve à la Mecque et aux alentours de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala ne profite pas uniquement aux habitants de la Mecque, mais bien au contraire aux habitants de la Mecque, comme à tout voyageur. Il dit Azza wa Jal en parlant du pèlerinage, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés. Et les biens sont en abondance autour de la Mecque et autour de la Kaaba. Il dit subhanahu wa ta'ala, ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, c'est-à-dire sécurisée, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportées comme attribution de notre part. Le pèlerinage de la maison sacrée d'Allah Azzawajal est une porte grande ouverte pour celui qui désire détruire et anéantir ses péchés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à Amr ibn al-As radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est converti à l'islam, et qu'il a voulu prêter allégeance au prophète alayhi salatu wa sallam, il a posé comme condition que toutes les mauvaises actions qu'il aurait pu faire pendant sa mécréance lui soient pardonnées. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de lui répondre, « Ô Amr, ne sais-tu pas que l'islam détruit ce qui le précède et que la hijra détruit ce qui l'a précédé et que le pèlerinage détruit ce qui le précède ?» Il y a dans le pèlerinage une purification des péchés et des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui accomplit le pèlerinage sans le tâcher et sans y commettre de perversité, il retournera de ce pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et la récompense du pèlerinage est le paradis. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. وفي الحج منافع وعبر وفوائد التجرد من المخيط تذكر بلباس الأكفان بعد الرحيل وفيه إرشاد إلى التواضع ونبذ الكبرياء الجمع كله إزار ورداء الرأس خانع للديان هيئته الخضوع والاستكانة للرحمن إخلاص العمل لله وإفراده بالعبادة شعار الحج وبه افتتاح النسك لبيك اللهم لبيك فيه إعلان التوحيد ونبذ الشرك لبيك لا شريك لك لبيك وفيها تذكير بإسداء النعم والثناء على المنعم إن الحمد والنعمة لك وفي رؤية بيت الله المعمور مشهد لإخلاص الأعمال لله الخليل وابنه يرفعان أشرف معمور ومع هذا يسألان الله قبول العمل وعدم رده وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع إحسانا وشفقة والمنافق جمع إسانة وأمنا وواجب على الحاج إخلاص أعمال الحج وغيرها لله فلا يريد بعمله رياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا مفاخرة بل يريد بعمله هذا وبأعماله الأخرى طلب رضا الله وتكفير السيئات وللطواف وقع على القلوب ومهابة في النفوس في بساط بيت الله الآمن فلا موطن على الأرض يتقرب فيه إلى الله بالطواف سوى ما حول الكعبة المشرفة وفي تقبيل الحجر الأسود حسن الانقياد لشرع الله وإن لم تظهر الحكمة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وفي مناسك الحج درس في التقييد بالسنة وحسن الاتباع يقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فعلى المسلم اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل قربة واختفاء أثره في كل طاعة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Il y a dans le pèlerinage de nombreux mérites, de nombreuses morales et de nombreuses subtilités. Le fait donc que le pèlerin se dévêtisse et qu'il rabatte sur son corps deux étoffes blanches de tissu lui fait rappeler le vêtement du linceul qu'il portera lorsqu'il quittera cette terre. Et il y a également dans ce vêtement une indication et une orientation aux musulmans afin qu'ils fassent preuve de modestie et qu'ils mettent de côté toute forme de kibriya, toute forme d'ostentation. Le fait également de se dénuder la tête est une preuve d'humiliation pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'être sincère dans ses actions, le fait d'adorer Allah azza wa jal seul sans ne rien lui associer est un des emblèmes du pèlerinage. Et c'est par cet emblème que commence le pèlerinage, lorsque le pèlerin proclame la talbiyah, labbayk Allahumma labbayk, je réponds à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel. Il y a également dans cette talbiyah une proclamation du tawhid et une négation et un rejet du polythéisme. Je réponds à ton appel, tu n'as d'autre associé. Tu n'as aucun associé, je réponds à ton appel. De même qu'il y a dans cette talbiya un rappel que ce musulman bénéficie et profite des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui lorsqu'il dit Inna alhamda wa ni'mata lak. La louange et les bienfaits t'appartiennent. Dans le fait de contempler la Kaaba, il y a dans cela un rappel de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et cela nous fait rappeler le père du prophète Ibrahim alayhi salam, lorsque, aidé de son fils, il construisait et élevait les fondations de la Kaaba. En toute sincérité et en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout en construisant cette Kaaba, il demandait à Allah azza wa jal d'accepter de cette œuvre et de ne pas rejeter ceci de leur part. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les fondations de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Tu es celui qui entend tout et celui qui est omniscient. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, dit, le croyant réuni entre la bienfaisance et la peur et l'hypocrite réuni entre les mauvaises actions et la sécurité. Le croyant œuvre et adore Allah Azza wa Jal, et cela est accompagné d'une crainte, la crainte qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas cette œuvre de lui. Quant à l'hypocrite, il réunit entre les mauvaises actions et se sent à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc un devoir pour le pèlerin d'être sincère pour Allah Azza wa Jal dans son pèlerinage, mais dans l'ensemble de ses adorations également. Il ne doit pas faire cela par ostentation. Il ne doit pas faire cela pour une quelconque réputation. Il ne doit pas faire cela pour se montrer devant les gens, mais il adore Allah Azza wa Jal en espérant la satisfaction d'Allah et en espérant qu'Allah, à travers cette adoration, lui pardonne ses péchés. Quant au tawaf autour de la Kaaba, il a un effet particulier sur le cœur et procure à l'âme une sensation unique, le fait de tourner autour de la maison antique. Il n'y a d'autre endroit sur terre dans lequel l'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal en tournant autour d'une chose, si ce n'est le tawaf autour de la Kaaba bénie. Et dans le fait d'embrasser la pierre noire, il y a une marque d'obéissance à Allah Azza wa Jal et de soumission à sa législation, même si la sagesse de cet acte ne nous apparaît pas. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est adressé à la pierre noire en disant: par Allah, je sais pertinemment que tu es une pierre qui ne peut ni apporter un bien ni apporter un mal. Et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Il y a également dans les rites du pèlerinage une leçon dans le fait de suivre scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit alayhi salatu wa salam: prenez de moi vos rites. Le musulman se doit donc de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes ses adorations et suivre ses traces dans toutes les obéissances. Il dit subhanahu wa ta'ala: et ce que le prophète vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire, abstenez-vous-en. Wa yawm arafah yawm aghar huwa multaqa al-muslimin al-mashhud يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع يوم كريم على المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن التعبير عنه. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يقول عبد الله يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب، والإكثار فيه من كلمة التقوى مع مفهوم مدلولها ومعانيها خير الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يوم يكثر فيه عتقاء الرحمن ويباهي بهم الملائكة المقربين. قالت صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران. فكن مخبتا لله في ذلك اليوم، متواضعا خاضعا لجنابه، منكسرا بين يديه، طامعا في كرمه، راغبا في وعده، راهبا من وعيده. واجتماع الناس في عرفة تذكير بالموقف الأكبر، يوم الحشر لفصل القضاء بين الخلائق، ليصيروا إلى منازلهم إما نعيم وإما جحيم. Il y a dans les rites du pèlerinage le jour de Arafat, qui est un jour immense, un jour dans lequel l'ensemble des pèlerins se réunissent dans un seul et même endroit, un jour d'espérance, un jour de crainte, un jour d'humiliation et de rabaissement, un jour important pour les musulmans, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, les pèlerins, le jour de Arafat, descendent sur leur cœur la foi, la miséricorde, la lumière et la bénédiction d'une façon indescriptible. Et la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Al-Imam ibn Abdul Barr rahimahullah dit, l'invocation du jour de Arafat est exaucée dans la quasi-totalité des cas. Et la meilleure des paroles, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure des choses que j'ai pu dire moi et les prophètes qui m'ont précédé, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Point d'associé à lui. À lui la royauté et à lui la louange. Et il est capable de toute chose. Un jour dans lequel Allah Azza wa Jal épargne ses serviteurs de l'enfer. Un jour dans lequel Allah Azza wa Jal fait l'éloge des pèlerins auprès de ses anges rapprochés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un jour dans lequel Allah Azza wa Jal épargne son serviteur de l'enfer que le jour de Arafat. Il se rapproche, c'est-à-dire du ciel, subhanahu wa ta'ala, puis fait les éloges de ses pèlerins auprès de ses anges en disant, que recherchent ces personnes, rapportées par Muslim. Al-Imam ibn Abdul Barr, rahimahullah, dit, et ceci est une preuve que ces pèlerins, leurs péchés sont pardonnés, car Allah ne peut faire les éloges des gens du mal et de ceux qui accomplissent des péchés, si ce n'est qu'après que leur repentir soit accepté et que leur péché soit pardonné. Sois donc, chers musulmans et chers futurs pèlerins, sois donc modeste ce jour-là. Rabaisse-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Espère sa bonté et confiance en la promesse qu'Allah Azza wa Jalla a donnée et redoute son châtiment. Et le fait que les gens et que les pèlerins se réunissent tous ensemble dans un seul et même lieu nous fait rappeler le jour dernier, nous fait rappeler le rassemblement qui aura lieu dans cette terre le jour du jugement, le jour où l'ensemble des êtres humains, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains, seront réunis dans cette place afin de connaître leur destinée, soit au paradis ou soit en enfer. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونسك النحر عبادة محضة لله يتقرب بها المسلمون لربهم من هدي وضحية لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وفي وضع النواصي بين يدي ربها حلقا أو تقصيرا استسلام لهيمنة الله وخضوع لعظمته وتذلل لعزته والذكر وسيلة لحياة القلوب وتهذيب النفوس وتزكية الفؤاد وإقامة ذكر الله والإكثار منه في المشاعر مقصد من مقاصد أداء تلك الشعيرة وأرجى لقبولها وأصدق في إخلاص فعلها قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقال عز وجل فإذا قضيتم من عرفات فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فصاحب ذكر الله في سائر فصاحب ذكر الله عز وجل في سائر حجك. فشعائر الحج شعرت لذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأقرب الحجيج عند الله منزلة أكثرهم له ذكرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا. Le fait de sacrifier la bête est une adoration pure à Allah subhanahu wa ta'ala. Les musulmans se rapprochent de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sacrifient leur bête, que ce soit le hadi, la bête que doit sacrifier le pèlerin, ou que ce soit al-udhiya, la bête qui est sacrifiée à l'occasion de la fête de Eid al-Adha. Tout ceci est une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit à ce sujet: ni leur chair ni leur sang n'atteignent Allah, ni la chair ni le sang de ces bêtes n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est votre piété. Et dans le fait de se raser les cheveux pour le pèlerin, ou de se les raccourcir, est une marque d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et une marque de soumission devant l'immensité et la force illimitée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le rappel est un moyen qui fait revivre le cœur, est un moyen qui permet d'apaiser les poitrines. Et dans le fait, et le fait de d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'évoquer en abondance pendant le pèlerinage fait partie des buts et des emblèmes du pèlerinage. Et plus le pèlerin évoque le nom d'Allah azza wa jal, et plus cela lui permettra d'être sincère dans ses adorations, et que celle-ci soit plus à même à être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal: pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala: et lorsque vous quittez Arafat, évoquez alors le nom d'Allah dans Al-Mash'ar Al-Haram, qui est cet endroit connu dans Al-Muzdalifah. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en parlant du Hajj, et à évoquer le nom d'Allah pendant les jours déterminés. Ainsi, chers pèlerins, évoque beaucoup le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala durant l'ensemble de ton pèlerinage, car c'est pour le rappel et l'évocation d'Allah que le pèlerinage a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: le tawaf autour de la maison et les allées venues entre As-Safa et Al-Marwa et la lapidation des stèles n'ont été légiférées et érigées que pour l'évocation d'Allah, que pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus le pèlerin évoque le nom d'Allah, et plus sa place auprès d'Allah sera grande. L'imam ibn al-Qayyim rahimahullah dit: les meilleurs de ceux qui accomplissent des œuvres sont ceux qui évoquent le plus le nom d'Allah pendant celle-ci. Ainsi, les meilleurs déjeuneurs sont ceux qui auront le plus évoqué le nom d'Allah pendant leur jeûne. Les meilleurs de ceux qui donnent des aumônes sont ceux qui auront le plus évoqué le nom d'Allah pendant leurs aumônes. Et les meilleurs des pèlerins sont ceux qui auront le plus évoqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant leur pèlerinage. Et lorsque le pèlerinage se termine, tu te dois, chers musulmans et musulmanes, de beaucoup demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le pardon doit être la clôture des œuvres pieuses qu'accomplit le musulman. Et le pardon, la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, permet aux œuvres de se compléter et permet aux musulmans de s'élever en degré au fur et à mesure. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.